Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 27 juin 2017. Voici les grands titres de cette édition. Un agent de police qui montait sa garde au bureau postal de Moussigati en province Boubanza a été tué la nuit dernière par des inconnus qui lui ont pris son fusil. 6 personnes sont dans les mains de la police pour enquête sur cette affaire. Et le Burundi doit 7 millions de dollars d'arriérés de cotisation à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La ministre en charge de l'intégration du Burundi à l'EAC explique que ce retard dans le paiement de ces cotisations est dû au décalage entre les années budgétaires du Burundi et des autres membres de cette communauté. Les leaders des partis politiques souhaitent que le dialogue d'Arusha sur la crise burundaise soit clôturé rapidement, compromis pour le rapatrier et le compléter avec celui qui a eu lieu à l'intérieur du pays. C'est l'un des points sur lesquels ils doivent s'exprimer dans une rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Une rencontre qui est en cours. Et dans la chronique santé, nous reviendrons sur la lèpre avec Dr Tade Ndikumana qui nous dira que le grand problème dans la lutte contre cette maladie est la marginalisation de ceux qui en souffrent. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. La présidence de la République trouve normal que chaque pays alerte ses ressortissants par rapport à la fréquentation de tel autre endroit pour des raisons de sécurité. Willy Nyamitsko est conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République, dit que le fait que les États-Unis demandent à ses ressortissants de ne pas se rendre dans certaines contrées du Burundi ne signifie pas que ce pays n'a pas la confiance par rapport à la sécurité au Burundi. Suivez-le. C'est une démarche normale, habituelle du gouvernement américain à l'endroit de ses citoyens. Ils ne le font pas uniquement pour le Burundi, ils le font aussi pour des pays estimés être plus sécurisés que le Burundi. Il y a des communiqués qui parlent d'Israël, il y a des communiqués qui parlent de certaines capitales européennes comme Bruxelles, comme Paris, et où on leur dit, voilà, vous pouvez être à Paris dans tel arrondissement, mais n'allez pas dans cet arrondissement parce qu'il y a risque. Donc ça, c'est à l'endroit des citoyens américains et c'est tout à fait normal parce que même l'État du Burundi le fait pour ses citoyens et surtout quand nous allons en mission à l'extérieur du pays, nous obtenons des informations par rapport à ces pays ainsi que des conseils par rapport aux endroits que nous pouvons fréquenter et aux heures de fréquentation. Willy Nyamitwe, est-ce que ce n'est pas un signe que les Américains n'ont pas confiance dans la sécurité au Burundi? Non, pas du tout, puisque nous avons des citoyens américains qui sont sur le territoire burundais, puisque nous avons des citoyens du monde, des citoyens de tous les pays, d'autres, de tous les continents qui sont au Burundi, mais le département d'État américain travaille sur base de communiqués qui sont sortis par la police burundaise. Vous savez, quand il y a un incident, cet incident est rapporté par la police burundaise et à partir de ça, le département d'État américain peut dire « Faites attention, nous avons appris qu'il peut y avoir un jet de grenade, il peut y avoir des malfaiteurs, mais comme les intérêts américains peuvent être menacés, comme les citoyens américains peuvent aussi être menacés, faites attention là où vous mettez le pied. » Willy Nyamitwe au téléphone avec Charles Makoto. Willy Nyamitwe qui réagit ainsi au communiqué du département d'État américain publié le 23 de ce mois, dans lequel il fait état d'insécurité permanente au Burundi. Ce communiqué demande aux Américains vivant au Burundi de ne pas se rendre dans certains quartiers de la capitale Bujumbura. Les États-Unis font savoir qu'il y a des groupes armés, des ex-combattants et des jeunes gens qui traversent la frontière à partir de la République démocratique du Congo pour attaquer et enlever des gens. Sécurité, toujours un agent de la police qui montait sa garde au bureau postal de Moussigati en province Boubanza est mort la nuit dernière. Il a été décapité par des personnes non encore identifiées. Ses assassins lui ont pris son fusil, comme le confirme le commissaire provincial de la police. 6 personnes ont déjà été arrêtées pour enquête. Les détails avec notre correspondante Specialitas Kavanyana. Selon des témoins sur place à Moussigati, c'était aux environs de 1h du matin, au cours de cette nuit de lundi à mardi, que des malfaiteurs non encore identifiés ont attaqué un policier qui était à la garde au bureau de la Régie nationale des postes à Moussigati, l'ont tué et ont emporté son fusil. Rien d'autre n'a été volé, comme le croient pas mal de personnes. Ces malfaiteurs n'ont même pas tenté à entrer à l'intérieur du bureau postal, selon la même source. À la question de savoir aussi la victime Ngendakumana Cyprien, montée la garde des sœurs. Le commissaire provincial de la police dans cette province de Bubanza indique que l'autre policier attaché au bureau postal était en congé. Au PC1, Damien Emmanuel Nizigimana ajoute que trois personnes, dont deux veilleurs proches du bureau de la Régie nationale des postes au même endroit, ont été arrêtés ce mardi matin pour enquête. Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le facilitateur dans la crise burundaise devrait tenir sa promesse en clôturant le dialogue externe et ainsi rapatrier ce dialogue pour compléter celui de la Commission nationale de dialogue interne. C'est en substance l'un des points sur lesquels les leaders des partis politiques burundais devront s'exprimer dans une rencontre avec le ministre burundais de l'Intérieur. Le ministre Pascal Barandagié réaffirme que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. Suivez-le. Nous voudrions vous proposer quelques idées directrices qui vont nous guider au cours de nos échanges. Valoriser et faire notre le rapport de la Commission nationale du dialogue inter-burundais, CNDI en sigle, apprécier à sa juste valeur la déclaration du facilitateur Benjamin William Kappa, faite après sa visite au Burundi du 9 au 12 décembre 2016, qui devrait rester dans la mémoire de tous les Burundais soucieux de sauvegarder la paix, la souveraineté et la sécurité dans notre pays face à ce rapport déséquilibré et contradictoire qu'il a daigné présenter au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine à Dar es Salaam le 20 mai 2017. Démontrer que le problème de sécurité n'en est plus un suite à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies et à celle du Conseil national de sécurité de la République du Burundi du 23 juin 2017. Rappeler au facilitateur, son Excellence Benjamin William Kappa, sa promesse de clôturer le dialogue inter-burundais en juin 2017, d'où la nécessité de rapatrier le dialogue au Burundi en vue de compléter le rapport de la CNDI. Déplorer que les sanctions prises injustement par les Occidentaux contre la République du Burundi affectent la population innocente. Regretter la mise sur pied d'une communauté mission d'enquête sur le Burundi, sur base d'un rapport produit par l'enquête internationale des Nations Unies sur le Burundi, alors qu'il contenait des données qui ne reflètent pas la réalité sur le Burundi, ce qui montre ici que la notion des droits de l'homme est actuellement politisée. Les responsables des partis politiques que vous êtes jouent un rôle capital à côté des pouvoirs publics et autres partenaires de la société civile, sans oublier la CENI à travers le processus électoral et l'éducation électorale. Avant de clore mon allocution, il y sied de vous exhorter à faire participer activement et massivement les jeunes affiliés à vos partis politiques respectifs. Voilà, c'était le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagié. Le fait que la Commission Vérité et Réconciliation ait démarré ses activités dans un climat de controverse ne signifie pas que cette commission ne va pas atteindre ses objectifs, selon le président de la CVR. Monseigneur Jean-Louis Nahimana dit comprendre les inquiétudes des uns et des autres à propos de ce sujet, mais précise qu'il est difficile que les Burundais, surtout les acteurs politiques, s'entendent sur cette question dans un climat de crise de confiance qui se manifeste dans le pays. Il demande surtout que les gens comprennent l'urgence des activités de la CVR, d'autant plus qu'un bon nombre de Burundais ont la soif de connaître la vérité afin que leurs esprits soient apaisés. Suivez. La commission Vérité et Réconciliation est née dans un contexte controversé au niveau politique, souvent des controverses qui sont liées à une certaine crise de confiance entre les protagonistes politiques. Mais pour répondre à votre question, je vous dirais que d'emblée, j'ai eu la chance de visiter certains pays qui ont inscrit leur pays dans le registre de la justice transitionnelle. J'ai été en Afrique du Sud, j'ai été au Togo, j'ai été au Maroc. Ce qui m'a surpris, c'est de réaliser que toutes les commissions sont nées presque dans les mêmes conditions que la commission Vérité et Réconciliation du Burundi. Aller demander, même en Afrique du Sud, les gens ont applaudi à la fin du processus. Mais à la naissance, tout le monde était méfiant. Et donc, c'est pour dire que vous avez tout à fait raison. Mais La raison de cela, c'est que dans un pays où il y a une crise de confiance, c'est normal que les gens aient peur, que les gens aient des perceptions et des appréhensions. Donc, nous sommes conscients de cette situation. Et entre autres solutions, justement, je pense que c'est qu'il nous faut une bonne communication autour des activités de la CVR. Et c'est pour cela, d'ailleurs, c'est une des raisons aussi qui a fait que nous nous retrouvions aujourd'hui. Mais autre chose, justement, c'est de vous demander, à vous les professionnels des médias, justement d'essayer de conscientiser ces gens-là. Parce que moi, ce qui m'inquiète ici au Burundi, c'est cette nouvelle culture fataliste ou de fatalité, je ne sais pas comment appeler ça. Quand les gens sont dans la divergence, en tout cas au niveau des opinions, contre l'autre parti, la tendance ici au Burundi, vous m'excuserez vraiment du terme que je vais utiliser, c'est de verser quelque part dans l'irresponsabilité. Puisque l'idée ne vient pas de nous, de notre parti politique, de notre groupe d'appartenance, donc nous allons boycotter et rien ne va se faire dans ce pays. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, président de la commission Vérité et Réconciliation. Le Burundi doit à la communauté est-africaine une contribution de 7 millions de dollars américains. La ministre chargée de l'intégration du Burundi au sein de l'EAC explique que le retard dans le paiement de la contribution du pays se justifie par la non-conformité de l'année budgétaire avec celle de l'EAC. Dans une conférence de presse, Isabelle Ndahayo a souligné que la question des relations diplomatiques tendues entre le Burundi et le Rwanda se trouve sur la table des chefs de l'État, des chefs d'État de cette communauté. Aubin Niyonguru. La question des relations entre le Burundi et le Rwanda qui ne sont pas au bon fixe est connue selon la ministre Isabelle Ndahayo. Elle indique qu'elle est sur la table des chefs d'État de la communauté est-africaine. Oui, la question est connue. Elle est connue par tout le monde, les pays partenaires. Mais pour résoudre cette question, je dois vous dire que cette question se trouve pour le moment au niveau du sommet de la communauté est-africaine. La ministre chargée de l'intégration du Burundi dans l'EAC dit que le Burundi a aujourd'hui des arriérés de contribution dans cette communauté qui s'élève à 7 millions de dollars. Mais elle souligne que le retard dans l'acquittement de sa contribution est lié à la non-conformité de l'année budgétaire du Burundi et celle de la communauté est-africaine. Je veux dire que le Burundi est en train de faire tout ce qui est possible pour s'acquitter de ses dettes. Et je pense que très bientôt, on va terminer. C'est à peu près 7 millions de dollars. Mais le problème qui est là aussi, il faut reconnaître que le Burundi a une année fiscale qui est différente de celle des autres pays de la communauté est-africaine. Ce qui fait que des fois, on est sur retard. La ministre Ndahayo a aussi tracé d'autres défis lié à l'intégration du Burundi dans l'EAC. Nous évoquerons à titre illustratif la lenteur dans l'harmonisation des lois nationales pour être en phase avec le contenu du protocole portant création du marché commun de la communauté est-africaine, la lenteur d'harmonisation institutionnelle et notamment la commission de réforme des lois, l'autorité de régulation des médicaments et des aliments et l'autorité de la concurrence n'ont pas encore vu le jour. Appropriation et la pérennisation des projets et programmes par la population burundaise. Changement des mentalités pour s'adapter à la donne de l'intégration. Ce mardi, son ministère a initié une semaine marquant le 10e anniversaire du Burundi dans cette communauté. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique santé ce mardi, nous revenons sur la lèpre. Dans cette deuxième partie, le directeur du programme national intégré lèpre tuberculose, Dr Tade Ndikumana, fait savoir que la maladie peut guérir. Mais le problème majeur que connaît le Burundi dans la lutte contre cette maladie est que les lépreux sont marginalisés. Francine Diokugayo. Nous vous avons parlé dernièrement de cette maladie infectieuse chronique que la lèpre. Cette maladie ancienne est toujours présente dans certains pays du monde. Le directeur du programme national intégré lèpre et tuberculose indique que 500 nouveaux cas de lèpre sont enregistrés chaque année au Burundi. La raison majeure est que selon le docteur Tadende Kumana, les lépreux sont souvent victimes de discrimination. Pendant les diagnostics, on trouve qu'il y a cette consultation tardive. Les gens s'autodiscriminent. Vous le savez, il y a même qui confondent en disant que ce sont des familles de lépreux. Normalement, la transmission n'est pas congénitale, donc il n'y a pas une famille lépreuse. C'est plutôt le seuil d'incubation qui dure longtemps. Si quelqu'un est contaminé aujourd'hui, on peut découvrir la première tâche après 5 à 10 ans. Donc ça complique le diagnostic précoce. Mais nous avons déjà initié des activités de sensibilisation en collaboration avec les prestataires du niveau périphérique et les agents de santé communautaire et les élus locaux, surtout dans ces zones d'endémie où actuellement la population commence à consulter d'elle-même. Le programme national de lutte contre la lèpre encourage les personnes touchées par la maladie à vaincre justement cette discrimination en participant à certains projets de développement. Nous avons initié des AGR à travers les associations des anciens malades de lèpre et même les malades qui sont toujours sous traitement ou et même initié des activités qu'on finance à travers le financement de l'ONG Action Damier. Et cela permet effectivement à ce que cette stigmatisation ou auto-stigmatisation des anciens malades puisse être dissipée. Ces actions-là permettent à ce que ces familles-là, même ceux qui étaient restés dans les villages, osent aller consulter parce qu'il y a du bien. Même la population environnante trouve que finalement ces gens-là, même s'ils fuient des anciens malades de lépreux, ils peuvent contribuer à l'autodéveloppement, mais aussi au développement du pays. L'autre point essentiel, c'est de pouvoir essayer de redonner la chance des appréhensions, la chance de la marche de ceux qui ont été diagnostiqués tardivement avec des complications comme les mots perforés la plantaire, il y en a qui ont des amputations, on donne des prothèses. Mais aussi, il y a la chirurgie plastique qui est faite, surtout pour corriger les griffes. Et comme ça, il y a l'appréhension qui est reprise à travers la griffe et des tendons. Le docteur Tadende Kumana fait savoir que la maladie peut guérir si elle est traitée à temps. La première prévention, c'est le dépistage précoce et la mise sous traitement. Ici, je tiens à signaler que la polychimiothérapie, la PCT, est dispensée gratuitement. Donc, pour le nouveau cas qui a moins de 5 tâches, on administre un traitement fait de rifampicine et clofazimine pendant 6 mois, plutôt d'Absone. Mais après les 5 tâches, c'est qu'il y a beaucoup de mycobactéries dans l'organisme. On le traite à base de la rifampicine et clofazimine et d'Absone pendant 12 mois. Si quelqu'un a une tâche indolore, il ne se précipite pas à les consulter. Mais c'est ça qui fait mal, finalement. Donc, l'individu qui a été contaminé de la lèpre va se rendre compte de la gravité quand il a déjà atteint le stade des complications. Le directeur national du programme intégré lèpre-tuberculose interpelle la population burundaise à consulter à temps, surtout que la lèpre est une maladie soignée gratuitement. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Le programme alimentaire mondial indique que 600 000 enfants risquent de mourir de faim au Yémen, au Soudan du Sud, en Somalie et au Nigeria. Au Niger, 52 migrants ont été retrouvés morts dans le désert près de Séguédine, au centre-est, c'était ce lundi. Et 8 soldats tchadiens ont été tués au Nigeria par les djihadistes de Boko Haram. Didier Nyonzima. Le programme alimentaire mondial, PAM en sigle, fait savoir que 20 millions de personnes sont au bord de la famine au Yémen, en Asie et en Afrique, au Soudan du Sud, en Somalie et au Nigeria. Parmi elles, 5,7 millions sont des enfants, dont 1,5 million sont gravement touchés par la malnutrition. La BBC, sur son site web, fait savoir que cela a été annoncé ce lundi par le directeur du PAM, David Beasley. Selon lui, si le PAM ne reçoit pas dans les 3 ou 4 prochains mois ce dont il a besoin pour fournir de la nourriture, il est possible de voir mourir 600 000 enfants. Le chef du PAM a interpellé en particulier des pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne et surtout la France pour qu'ils envoient davantage d'aide. Le programme alimentaire mondial sollicite l'Union européenne pour la mobilisation de milliards de dollars au cours des prochains mois pour sauver des centaines de milliers d'enfants menacés par la faim au Yémen et dans les 3 pays africains. Au Niger, ils sont au total 52 migrants retrouvés sans vie dans le désert près de Séguédine au centre-est. Au nombre de 75 au départ, ces migrants étaient à bord de 3 véhicules mais ont été abandonnés par leurs passeurs, craignant la répression des forces de sécurité. Selon des sources sécuritaires, plusieurs dizaines de cadavres ont été enterrés par des éléments de la garde nationale ou de la police municipale en poste à Séguédine. La BBC, sur son site web, indique que d'autres migrants seraient encore portés disparus. Il y a des semaines, 92 migrants qui avaient eux aussi été abandonnés par leurs passeurs ont été recueillis par des patrouilles des forces armées nigériennes à Ténéré, c'est à 180 km à l'ouest de la ville de Dirko. Et enfin, 8 soldats tchadiens ont été tués ce week-end lors des violents combats contre des djihadistes de Boko Haram sur 5 îles nigérianes du lac Tchad. Le porte-parole de l'état-major tchadien l'a annoncé ce lundi à N'Djamena. Selon le colonel Azem Aguna, les forces tchadiennes ont attaqué les éléments de Boko Haram et les ont chassés. Le bilan de l'opération fait état de 8 morts et 18 blessés du côté des forces de défense tchadiennes. Les soldats tués faisaient partie de la force régionale créée par les pays riverains du lac Tchad, à savoir le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, pour lutter contre Boko Haram. Merci Didier Nyonzima, c'est par l'actualité internationale que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à tous, Mitebouti pour la mise en onde au micro. Jean Bosco, Ndouimana, un bon après-midi.